mascara et coffret. Donc je repars charbonné. Sur la montre diamantée, la voiture j'en trouve mes mains. J'ai tout dans la tête, on n'est pas là pour chômer. Encore des choses à refouguer, on sera bien, je te promets. Wesh, la nouvelle monnaie. J'entends les gyros dans mon dos. J'suis chez moi, j'les sème normal. C'est moi qui donne le go. J'prononce un mot, tu dors mal. Équipé de platine, bicrap, galette et cailloux. J'bégaye pas devant l'insigne. Moi, toujours sous sous des voyous. J'retrouve lundi dans les faits divers. J'suis allergique aux billets d'hier. J'suis le vrai prince de la ville, c'est choquant. Four sur le rinté sur le volcan. Mon dernier couplet casse la pesette. 9-3 Kentucky Massachusetts. Je me sens plus contrôle, moi j'ai le sourire. Valentino c'est pas fait pour courir. Mascara et coffret, donc je repars charbonné. Sur la montre diamantée, la voiture j'en chrome. J'ai tout dans la tête, on n'est pas là pour chômer. Encore des choses à refouquer. Très bien, je te promets, wesh. La nouvelle monnaie, la nouvelle monnaie, je blesse. Pour ta nouvelle monnaie, la nouvelle monnaie. Mascara et coffret, donc je repars charbonné. Mascara et coffret, donc je repars charbonné. Hey, j'allume ces putains comme des putains de bougies. Je fais ce que je veux, à genoux, je crache sur sa tête, elle tient ma queue. Comme un sèche-cheveux au gramme, au kill, j'achète, je deal pour ton vibro, je cherche des piles, je claque des mille ours dans la ville, j'passe dans les portes que de profil. Armé comme un fantassin, hey, sur la tête de mon joint, hey. J'm'en bats les reins, j'le baise le rap, pour moi c'est comme l'achat d'une tuin, hey. Pour des petites embrouilles, ça siffle, nous on ne fait jamais dans l'à peu près. Le bolide est très agressif, mais je dois savoir le manœuvrer. J'aime le pouvoir. Enlève tes sapillades, je veux tout voir. J'suis calé au check, pénoté. Mon argent dort même menotté. Mascara et coffret, donc je repars charbonné. Sur la montre diamantée, la voiture j'en trouve mes. J'ai tout dans la tête, on n'est pas là pour chômer. Encore des choses à refouguer, on sera bien, j'te promets. Wesh, la nouvelle monnaie. Mascara.